En Corée du Sud, la solidarité coréenne pour la réunification indépendante et la démocratie a publié le 1er juillet une déclaration appelant les diverses couches de la population à la lutte contre la dictature fasciste des autorités sud-coréennes, tout en affirmant que sous la tyrannie de l'actuel pouvoir est au fond la liberté d'idéologie, d'expression et d'association, aucune activité progressiste ne peut être livrée.